appeler se dit llamar. Llamar qui s'écrit de zèle A M A R en espagnol. Le son L s'écrit de zèle. Il s'agit d'un son spécifique de l'espagnol qui s'obtient en plaçant le bout de la langue derrière les dents du bas et en collant le dos de la langue au palais. L. L. Essayez. L. L. L. Dans certaines régions d'Espagne, on le prononce comme le I de zèle de paille. Llamar. Donc, appeler, c'est llamar. Llamar. Remarquez que en Amérique latine, les deux L se prononcent J. Llamar. Llamar. Alors, je vais vous appeler plus tard, se dira. Voy a... Boya. Oui. Boya, encore une fois. Llamar. Boya. D'accord. Vous appelez. Llamarle. Le. Llamarle. Oui, c'est ça. Voy a llamarle. Plus tard. Voy a llamarle. Plus tard. Más tarde. Más tarde. Más tarde. D'accord. Voy a llamarle más tarde. Je vais vous appeler plus tard. Más tarde. Comment direz-vous est-ce que vous pouvez m'appeler plus tard? Puede. Puede. Puede. Hein, je vais entendre encore plus nettement la syllabe accentuée. Puede. Puede. C'est ça. Puede. M'appeler. Llamarme. D'accord. Llamarme. Oui. Puede llamarme plus tard. Más tarde. C'est ça. Puede llamarme más tarde. Est-ce que vous pouvez m'appeler plus tard?